Quatrième chapitre, l'enlèvement. En cet instant, l'héritière, réveillée enfin par le bruit de cette conversation et par celui que faisaient les pillards, se leva sur son séant. Un tressaillement nerveux agitait tout son corps et sa charmante physionomie portait l'empreinte d'un grand effroi. « Oh mon Dieu, ma bonne, qu'y a-t-il donc ? » demanda-t-elle. « Et d'où viennent ces cris ? Le feu serait-il au château ? Oh, parle, je t'en prie, et sauvons-nous au plus vite. Oh, ciel, pourquoi mon père et ma mère sont-ils absents ? » La gouvernante ne répondit pas. Elle était folle d'épouvante et de désespoir. La pauvre Marguerite ne savait que faire dans cette terrible situation où elle n'avait de secours à attendre de personne. Enfin, elle se décida pourtant à apprendre à Marie que le manoir était attaqué et que la fontenelle était à la porte de la chambre, prétendant être accourue pour la sauver. « M'ouvrirez-vous donc ? » s'écria le partisan d'une voix furieuse. « Voici mon dernier mot. Si vous persistez dans votre refus, je vais faire briser cette porte à coups de hache et je me vengerai ensuite sur vous du temps précieux que vous m'avez fait perdre. » Soudain, d'horribles clameurs se firent entendre au bas de l'escalier de la tourelle. La jeune héritière, toute effrayée qu'elle était, et bien qu'elle ne pût s'expliquer le retour subit de la fontenelle à Mézarnoux, commanda à Marguerite d'ouvrir sur le champ, de crainte qu'il n'arrivât de plus grand malheur. Quoiqu'elle redoutât un peu Guy Hédère dont elle avait entendu dire tant de mal, cependant, dans un âge si tendre que le sien, elle ne pouvait croire qu'elle eût quelque chose à craindre de son cousin qui paraissait tant l'aimer et qui n'avait jamais eu pour elle et pour sa famille que de bons procédés. « Ouvre vite, je t'en prie, Marguerite » dit-elle encore en faisant plusieurs signes de croix. « Prenons confiance dans le bon Dieu et dans la bonne Vierge. J'aime mieux me mettre entre les mains de mon parent que de tomber au pouvoir de ces hommes dont je viens d'entendre les cris épouvantables. » La gouvernante obéit cette fois. La porte fut ouverte et la fontenelle, l'œil ardent et irrité, se précipita dans la chambre. « Sortez d'ici à l'instant !» dit-il à la gouvernante, « et laissez-moi seule avec Marie !» Ces paroles, articulées comme elles le furent, eurent dans la bouche du capitaine quelque chose de si terrible et de si effrayant que la jeune fille épouvantée demeura comme pétrifiée sur le seuil de la porte. « M'avez-vous entendue, malheureuse ? » répéta-t-il d'une voix tonnante et avec un accent de fureur indicible. Le regard dont il accompagna ce dernier avertissement fut si affreux que Marguerite, saisie d'effroi, abandonna sa jeune maîtresse et descendit l'escalier de la tourelle comme quelqu'un pris subitement de vertige et frappé d'aliénation mentale. C'est que soudain sa raison avait été fortement ébranlée et qu'au lieu de la fontenelle, elle avait cru voir devant elle l'ange des ténèbres lui-même la menaçant. « Oh ciel, mon cousin !» s'écria alors Marie. « Qu'avez-vous et que se passe-t-il ici ? Par pitié, dites-moi quels sont ces bruits qui me glacent d'épouvante. Serait-ce des voleurs ?»« Oui, Marie, et je viens vers vous pour vous sauver, mais pour cela il faut me suivre et quitter à l'instant ce manoir qui est déjà au pouvoir des brigands. »« Vous suivre ?» dit la pauvre enfant tout en larmes. « Il le faut, Marie, car votre vie est en danger. Levez-vous donc et hâtons-nous de nous sauver. » Pendant ce temps, je vais m'assurer dans quelle partie du château sont maintenant les voleurs, afin que nous puissions les éviter en nous échappant à la faveur des ténèbres. « N'est-ce pas que vous ne me voulez pas de mal, mon cousin ? » s'écria-t-elle. « Et que vous n'êtes pas méchant, comme on le dit ?» La fontenelle ne répondit pas. Il s'était éloigné pour aller rejoindre ses soldats. Dans un instant, il fut près d'eux. Il leur enjoignit de serrer avec soin la vaisselle plate et tous les autres objets précieux dont il s'était emparé. Après s'être assuré par lui-même que toutes les chambres étaient vides et qu'il ne restait plus dans le manoir que des meubles trop pesants et difficiles à emporter, il commanda à sa troupe de garder le plus grand silence pendant quelque temps et de se rendre dans le jardin afin de se tenir prête à partir au premier signal qu'il lui donnerait. « Quant à moi, dit-il à ses gens, je prendrai les devants et je sortirai le premier de Mézarnoux. » Après ces instructions, il remonta à la tourelle où il trouva l'héritière entièrement habillée. « Eh bien, mon cousin, lui demanda-t-elle, toute pâle d'émotion et de frayeur quand elle l'aperçut. « Où sont les voleurs ?»« Ils sont occupés à piller la chapelle. Allons, venez, Marie, c'est le moment de fuir, et surtout ne craignez rien. » En prononçant ces mots, il la prit dans ses bras, descendit l'escalier et arriva dans la cour où un jeune page l'attendait avec un cheval tout harnaché. Quand il fut en selle et que Marie fut assise devant lui, il piqua des deux et fut bientôt hors du château. En ce moment, la pluie avait cessé. De gros nuages noirs couraient rapidement dans le ciel et la nuit paraissait assez claire grâce au lever de la lune. Les murs et les autres édifices de Mézarnoux se distinguaient parfaitement au milieu de cette pâle clarté, et les peupliers dont était plantée la cour projetaient sur les bâtiments leurs grandes ombres pyramidales. Mézarnoux était tellement silencieux qu'on eût pu croire tous ses habitants endormis paisiblement et que rien enfin ne décelait la présence des soldats de la fontanelle dans le jardin. On entendait seulement le bruit monotone du jet d'eau retombant dans son grand bassin de pierre et de temps en temps les cris sinistres des chouettes et des orfraies nichés dans la tourelle. « Dans quelques jours, Marie, quand il n'y aura plus de danger, je vous conduirai à votre père, » dit la fontanelle. « Oh, merci, mon cousin, » répondit la pauvre enfant qui commençait à se rassurer en voyant qu'elle venait d'échapper au voleur qui l'avait tant effrayée. « Mais je vous en prie, allons plus vite, car si on nous poursuivait, nous serions perdus. Oh mon Dieu, mon pauvre père, ma pauvre mère !»« Bénissez le ciel qu'il soit absent, » dit hypocritement la fontanelle, « car peut-être bien à l'heure qu'il est, ils eussent trouvé la mort dans cette nuit terrible. »« Et Marguerite, où est-elle ?» dit Marie après un instant de réflexion. « Ne serait-elle pas tombée entre les mains des brigands quand elle est sortie, et que vous l'avez chassée si rudement de ma chambre ?» « Rassurez-vous, Marguerite se sera sans doute réfugiée dans les maisons des villageois qui avoisinent le manoir et vous la reverrez bientôt. »« Mais comment, mon cousin, êtes-vous revenu tout à coup, vous qui étiez parti pour l'île Tristan ?» demanda encore la douce enfant. « Arrivé à Landerneau, Marie, le hasard me fit connaître que des paysans, et non des voleurs, comme je vous l'ai dit, avaient projeté de surprendre de nuit votre manoir. » Aussitôt, ne songeant qu'au danger que seul et sans défense, vous alliez courir ici avec de pareils rustres sans foi ni loi, je suis revenu à Plounay-Vinter. Une fois là, je me suis tenu caché aux environs avec mes gens, dans l'intention de pénétrer dans votre chambre et de vous arracher à l'horrible péril qui vous menaçait. Malheureusement, ma troupe n'était pas assez nombreuse pour empêcher ces misérables de piller mes arnoux. Sans cela, en cette circonstance, j'eusse agi avec eux comme au Granec et à Plogastel. » Après ce mensonge, la fontanelle porta à ses lèvres un petit sifflet d'argent et en tira un son perçant qui fut entendu de ses soldats. « Ne vous effrayez pas, » dit-il à l'héritière. « J'appelle mes gens qui sont restés cachés derrière les taillis qui bordent votre jardin. » À ce signal, on entendit le bruit des pas des chevaux qui se mettaient en marche. Les nombreux serviteurs du château furent tout à fait impuissants à s'opposer au pillage. Comme les gardes qui logeaient à l'entrée du parc, ils furent tous liés et garrottés. Les ligueurs qui avaient l'habitude de ces sortes d'expéditions avaient serré leur butin avec beaucoup de soin et de manière qu'il eût été impossible à M. de Mézarnoux lui-même, s'il les avait rencontrés par hasard, de supposer que ces hommes fussent chargés de dépouilles enlevées dans son propre château. La pauvre Marguerite fut tellement impressionnée de l'enlèvement de Marie qui lui avait été confié en partant par son père que le lendemain, les paysans des environs la trouvèrent au milieu d'une lande, les traits entièrement décomposés et tout à fait méconnaissables. L'imagination de cette jeune fille avait toujours été extrêmement faible, et sa tête n'avait pas tardé à se perdre en entendant chaque jour raconter les crimes commis par la fontanelle et mille autres atrocités de pure invention. Pusillanime comme elle était, il n'était donc pas étonnant que la présence du capitaine eût ébranlé instantanément sa faible organisation, puisque le nom seul de celui-ci suffisait pour la glacer d'effroi. Depuis cet événement, la raison de Marguerite s'égara, et les gens du pays la rencontraient souvent par les chemins, tantôt marchant avec une grande lenteur et tantôt courant à perdre haleine. Puis, tout à coup, à leur approche, elle s'arrêtait et s'écriait, en les regardant fixement, « Prenez garde à vous, n'allez pas au manoir, car vous y trouverez la fontanelle. Mais tenez, regardez bien, le voyez-vous là-bas en portant sur son grand cheval noir, Marie, l'héritière de Mézarnoux, il se disait son cousin. Mais c'était le diable, oui, le diable. Quelques jours après ces malheurs, monsieur et madame de Mézarnoux arrivèrent chez eux. Qu'on juge de leur douleur et de leur désespoir lorsqu'ils se virent dépouillés non seulement de leur richesse, mais encore de leur fille chérie qui faisait leur bonheur en ce monde. Dans cette nuit, ils perdirent une somme d'environ 40 000 écus. Ils ne tardèrent pas à connaître le nom du ravisseur, dont ils maudirent 100 fois la perfidie et la déloyauté. Dans leur colère, ils formèrent le projet de s'en venger et de dénoncer la fontenelle au roi Henri IV. Mais telle était l'impuissance des lois dans ce siècle, où la force et la violence pouvaient tout, qu'après réflexion, ils résolurent de se taire, craignant les fureurs de leur cousin aussi bien que son affreux caractère. Ils reçurent du reste bientôt une lettre de celui-ci, dans laquelle il leur annonçait que Marie avait été conduite par lui à Saint-Malo, dans un couvent d'Ursuline. Il ajoutait qu'aimant sa cousine à l'adoration, il avait juré de l'épouser lorsqu'elle aurait atteint l'âge de 15 ans, et que rien ne pourrait le faire renoncer à ses projets sur elle. Il terminait en leur disant qu'ils n'eussent à avoir aucune inquiétude sur le compte de leur enfant, qu'elle serait élevée par l'abbesse de la communauté, une des amies de sa famille. Il leur signifiait en outre de ne faire aucune tentative pour essayer d'arracher Marie de ce couvent. Enfin, il les menaçait de sa vengeance s'ils osaient porter la moindre plainte contre lui. Cette lettre, écrite de la main de la fontenelle, était véridique. À peine arrivé à l'île Tristan, il était parti pour Saint-Malo avec l'héritière et l'avait confiée à la sœur de M. de Romard, qui était abbesse des Ursulines.